La cérémonie consacrée à la Journée mondiale de l'hépatite a eu lieu le 28 juillet au centre de transfusion du ministère de la Santé. Y ont pris part les fonctionnaires du secteur de la santé et de la presse écrite et parlée, le chargé par intérim de l'Organisation mondiale de la santé en Corée, le coordinateur permanent de l'Organisation des Nations unies, représentant permanent du programme des Nations unies pour le développement en Corée et autres membres des représentations des institutions internationales, ainsi que les diplomates de divers pays en Corée. À la cérémonie, il y a eu les interventions suivies de la lecture des données sur la prévention et le contrôle de l'hépatite. Les participants ont ensuite vu un documentaire scientifique intitulé « Prévenons l'hépatite B » et une représentation de la troupe de propagande hygiénique des hommes sanitaires.